Chapitre 3e, l'aile coupée. 50 déserteurs de la Santa Fe, d'un négrier restant de l'équipage du Capricoso, le contremaître Brimbolio, maître de manœuvre, le garde-marine Fernando Ribalosa, lieutenant, et l'ancien de frégat Don Graviel Badajoz, capitaine, en tout 73 combattants, plus un cuisinier noir et quelques mousses, tel était le personnel du brick Goélette contre lequel le gouverneur de La Havane déployait maintenant toutes ses forces de terre et de mer. Il ne faut pourtant pas omettre Doña Juanita de las Hermaduras, toujours enfermée dans la chambre d'honneur, tremblante, éplorée, en proie aux plus cruelles appréhensions. La canonnière que Fernando maintenait au bout de sa ligne de mire coupait la route au Capricoso. « Capitaine, faut-il faire feu ?» demanda le pointeur. « Garde-t'en bien, malheureux !» répondit Graviel. « S'il est nécessaire d'en venir là, ce qu'à Dieu ne plaise, au moins laissons-les commencer. » « Décidément, murmura le lieutenant, il veut nous voir une corde en cravate. Il serait si facile avec une bonne décharge à mitraille de balayer le pont de cette barque du diable. » Attendu ses desseins ultérieurs, l'enseigne désirait vivement ne pas livrer combat à ses compatriotes. Mais la canonnière gagnait le brick acculé contre terre. Elle se trouva bientôt à demi-portée du pistolet par bâbord devant. Déjà l'on distinguait les voix du capitaine Bertuzzi et de Don Antonio Barzon, tous deux au comble de l'exaspération. L'un courait après son navire, l'autre après sa fille. Le premier avait été trouvé dans la chaloupe. On l'avait démarré, dégarrotté et débâillonné, ce qui lui permettait de gesticuler et de crier à son aise. Il abusait de la permission. Le second, qui ne tempêtait pas moins, s'était jeté à bord de la canonnière avec sa garde et ses aides de camp. Tous les négriers débarqués du Capricoso étaient sur le même bâtiment, brûlant de se venger. C'était à qui armerait les avirons, il faisait rage. « Misérable voleur de Badajoz !» hurlait le gouverneur. « Ah, larron fieffé, tu paieras cher ton audace. Rends-moi ma fille, scélérat. Je me contenterai de te faire pendre, sinon, par le sang de... » Ce flux d'injures et de menaces rendit à Don Graviel tout son sang-froid. « Bien sensible, assurément, illustrissime seigneur, répondit-il au porte-voix. « Je vous prie bien seulement que votre fille est sur le pont. » Et que si vous nous faites tirer dessus, elle sera aussi exposée que moi. « Camarades !» criait Bertuzzi à ceux de ses gens qui étaient encore sur le Capricoso. « C'est à cause de vous que nous ne tirons pas, mais tout à l'heure, aidez-nous !» On se mentait réciproquement avec un touchant accord. « Hola, Brimbolio !» interrompit Graviel. « Si, pour son malheur, un des anciens du brig ne rame pas de toutes ses forces, qu'on lui fasse sauter la tête pour premier avertissement. « Capitaine !» fit le contremaître. « Ces choses-là vont sans dire. Nous sommes armés, et ils ne le sont pas. Vous entendez, les mignons ?» ajouta le rude marin en s'adressant au négrier. La lutte se réduisait à une joute de vitesse et de manœuvre. Les forts attendaient que le gouverneur ouvrît le feu. Le gouverneur n'osait faire canonner le navire où se trouvait sa fille. Bertuzzi ne voulait pas non plus endommager la coque de son cher brigantin qu'il comptait enlever à l'abordage. Il ne doutait pas du concours de ceux de ses gens que Don Graviel et Brimbolio venaient d'inviter à ramer en termes si persuasifs. L'enseigne s'obstinait à ne point mitrailler des compatriotes. Le père de Doña Juana était à bord de la canonnière. C'était un motif de plus pour s'abstenir des moyens violents. Bertuzzi tint la barre du bâtiment chasseur. Don Graviel, celle du brick Goélette. Ce dernier rase les bas-fonds de tribord et les murailles du Moro avec un art merveilleux, en évitant, autant que possible, l'abordage de l'autre navire. Mais le ci-devant capitaine négrier est sûr de réussir à s'accrocher dans 3 minutes environ, si toutefois aucun accident ne contrarie l'habile impulsion imprimée à la canonnière. Don Graviel et ses compagnons voient cela clairement. Le garde-marine caresse son bout de feu et tousse. Le contremaître brandit sa hache et jure. Les déserteurs font voler leurs avirons comme des plumes. « Fernando !» cria tout à coup l'alférez. « À moi, vite !» Le garde-marine obéit. Le jeune capitaine lui dit à voix basse. Il s'agit de leur enlever d'un coup de canon tous les avirons de bâbord. Ne blesse personne et je réponds du reste. J'aurais autant aimé les couler une bonne fois, mais enfin, tu vas boire. À ces mots, le flegmatique lieutenant reprit son poste et repointa son canon de 24. Y sommes-nous ? Demanda Graviel. Parfaitement, répliqua le pointeur. La canonnière se présentait alors obliquement, son bout hors du foc touchait le brig. Et ses premières rames étaient sur le point de s'engager dans celle du Capricoso. « Feu !» commanda l'enseigne. une éclatante détonation couvrit tous les autres bruits de la rade. Fernando avait fait merveille. Sa décharge à bout portant avait raflé tous les avirons de bâbord de la canonnière, qui pivota sur elle-même comme un oiseau dont une aile est coupée dans son vol. Don Graviel profita de ce mouvement, un étroit espace se trouvait libre. Avant que Berduzzi eût repris la route convenable et remplacé ses avirons brisés, le Capricoso avait gagné en excellente direction 3 bonnes longueurs de navire. Mais de nouveaux dangers l'entouraient. La première explosion fut suivie de 20 autres. L'effort répondait à la pièce à pivot. « Ah, ils vont tuer ma pauvre fille !» s'écria Don Barzone, qui, tout brutal qu'il était, aimait tendrement Doña Juana. « Ciel, ils couleront mon joli navire !» disait avec douleur le capitaine Bertuzzi. « Et ils nous empêchent de continuer la chasse. Si nous avions pu sauter à l'abordage, mon pauvre Capricoso eût été repris sans avarie. » Par une singulière coïncidence, les deux plus acharnés ennemis de Don Graviel faisaient ainsi des vœux pour que l'artillerie des forts n'atteignît pas son but. Cependant, les boulets tombaient comme grêle autour du léger bâtiment. Quelques rames furent emportées, les flèches des mâts et nombre de manœuvres coupées, la plupart des voiles percées à jour. Par bonheur, la coque ni la mâture ne furent atteintes. À l'ouvert du port, le Capricoso sentit la brise. La canonnière fut laissée bien loin derrière, et le vent ayant fraîchi, l'eau se trouva bientôt hors de la portée des forts. « Il y a dans tout ceci plus de bonheur que de bien jouer, » dit le contremaître, qui continue à pester contre les femmes en général, et plus particulièrement contre Doña Juana. Fernando, après avoir fait écouvillonner et recharger la fameuse pièce de 24, se rendit auprès de Don Graviel, qui se hâta de lui remettre le commandement de la manœuvre et descendit enfin dans la cabine. On avait trouvé à bord de vastes caisses de cigares royaux. Maître Brimbolio y puisa largement. Le méthodique garde-marine prit un régalia, l'alluma dans les principes, s'occupa ensuite de pourvoir au remplacement des voiles criblées, à la réparation des avaries, à l'installation du service. Il se fit apporter un grog, ordonna au cuisinier de distribuer les rations à l'équipage et braqua sa longue vue sur l'entrée du port qu'on relevait au sud-sud-est. Les premières clartés du soleil blanchissaient les remparts du formidable Moro dont il était permis de se moquer maintenant. Mais elle se reflétait aussi sur un objet moins inoffensif, c'est-à-dire sur la voilure de la frégate la Santa Fe, chargée de toiles haut et bas, tribord et bâbord, saillant de l'avant, menaçante et d'autant plus à craindre que la brise de terre augmentait graduellement. La mer devenait clapoteuse. Fernando hocha la tête en toussant.